oui c'est moi, le facteur de Noël. Je ne suis pas un facteur habituel. Oui c'est moi, le facteur de Noël. Je ramasse les lettres pour le Père Noël. Je parcours les rues, les boulevards, les avenues, longe les allées pour prendre les courriers, les dessins, les lettres déposées aux fenêtres par tous les enfants, les petits comme les grands. Oui c'est moi, le facteur de Noël. Je ne suis pas un facteur habituel. Oui c'est moi, le facteur de Noël. Je ramasse les lettres pour le Père Noël. Quand je fais ma tournée, j'en profite pour parler et dire aux enfants de ne pas oublier en bas de leurs lettres un petit s'il te plaît. Et puis sur l'enveloppe, un timbre coloré. Oui c'est moi, le facteur de Noël. Je ne suis pas un facteur habituel. Oui c'est moi, le facteur de Noël. Je ramasse les lettres pour le Père Noël. Souhaits enfantins, d'idées à gogo, de jouets, de cadeaux. Je pars dans la nuit, direction le pays des neiges, celui du Père Noël. Oui c'est moi, le facteur de Noël. Je ne suis pas un facteur habituel. Oui c'est moi, le facteur de Noël. Je ramasse les lettres pour Père Noël. Je ramasse.